November, Alpha, Romeo, Alpha, Chenor, Red Alder, Sharp Power, Tater, ça fait ça que c'est la ok. C'est du loup pour les gars là, ça qui pète la barre et ça fait mal au cœur. C'est du loup pour les refaire les vrais. Si tu bitume qu'à chaque beat, max le bitume. C'est du loup pour les gars là, ça qui pète la barre et ça fait mal au cœur. C'est du loup pour les refaire les vrais. Si tu bitume qu'à chaque beat, de max le bitume. Je viens des dom-dom, ma panique aux dom-dom. Quand l'insu les tentants, oubliez mes dom-dom. C'est vrai que je m'applique à la guitare solo rythmique, mais c'est pour mieux te la mettre. Méfie-toi des loups qui dorment, mes rimes bien aiguisées peuvent équider, accompagner mes zinc. Et ma guitare c'est plus de la zik, mais de la massou, provenant du 9-7K. Où ça cause moins épaisse, c'est gars. Naratomique, chénoz, Red Alder, Sharpa, Red Tater. Ça pousse certaines à l'auteur, ceux qui représentent l'auteur pour notre cas. Du 9-7-4, ta Paris Corrèze, toute la concourage. Des centimes, garde le cap, mon stylo reste mon cœur. Et mes espérances mon kit. Vous jure que j'atteindrai mon but avec ou sans ma part. Je vise le home run, me laisse derrière toutes les bombes mon cas. C'est du loup, pour les gars la cour. Ça qui pète la barre et ça tenait à l'auteur. C'est du loup, pour les refaire les vrais. Si tu bitume qu'à chaque beat de max sur le bitume. C'est du loup, pour les gars la cour. Ça qui pète la barre et ça tenait à l'auteur. C'est du loup. Rhétorique narratomique sur une prod autotonique. Quand on rentre dans la partie, la concurrence nous coucouniche. Un petit coup de sec et c'est parti. L'ambiance devient autorisée. C'est pour les gars devant la boutique qui boivent pas de Liptonite, qui préfèrent le rhum charrette ou bien filmer la Khalil. Et même si soleil pète, ils trempent pas devant un lit. Ils voudraient que l'on s'arrête. Mon écrit un nouveau chapitre qui doucement nous on s'apprête à ramener le rap des tropiques. Rien à voir avec ta compète. C'est du lourd, plus des îles. 974, faut que tu respectes. Ou dirais qu'on meurt en piste. Faut que tu kiffes le petit concert. Faut que le son il rentre dans ton tête. N'oublie pas où ça nous sort. Faut que ça nous milite. Crois pas nous, voilà le corps. Nous va continuer nous flit. Dans nous guerre, on a la force. Quand nous gosse, nous le tilite. Crois pas nous, voilà le corps. Nous va continuer nous flit. Dans nous guerre, on a la force. Quand nous gosse, nous le tilite. C'est du loup. Pour les gars, la cour. Ça qui pète la barre et ça tenait à l'auteur. C'est du loup. Pour les refaire les vrais. Si tu bitume qu'à chaque prise de max sur le bitume. C'est du loup. Pour les gars, la cour. Ça qui pète la barre et ça tenait à l'auteur. C'est du loup. Nous pousse à fond la fonte, toujours prêt pour laver l'affront. N'importe quel mocat nous affronte, nous perd pas la bec. Et même devant la bac, nous gagne pas la patte, nous gonfle le pec. Dans la main, on roule aux âmes. Dans l'autre, un sabre à canne pour protéger nos âmes, car nous on fout d'où. Et quand nous te pépettes, ils montent, tout dit ça voodoo. Les gars, les fous, soleil, ils tapent, ils mettent les faits. Les mieux qu'un film, comment les faits, les magnifiques comme les filles. Allez, fume une affaire, dans le fond la rivière, frère. C'est une affaire, moi les fiers. Ça nous quitte, tire nos traditions. Bonne colombe, fait vos autres moments, mais laisse en haut, fait le tradition. Un caractère volcanique, un tempérament cyclonique. T'as reconnu au mic, Nara et rhétorique. C'est du loup. Pour les gars, la cour, ça qui pète la barre et ça tenait à l'auteur. C'est du loup. Pour les refaire les vrais, si tu bitume qu'à chaque fille de max sur le bitume. C'est du loup. Pour les gars, la cour, ça qui pète la barre et ça tenait à l'auteur. C'est du loup. Pour les refaire les vrais, si tu bitume qu'à chaque fille de max sur le bitume. C'est du loup. November Alpha, Romeo Alpha, mec, chez nous, Red Alder, hein? Chape pas au Red Alder, ça pousse à crâne à l'auteur. Production Dogstar, hein? Quoi faire, gaffe? Ça nous mène, ça.